toute la création t'adore. Tu es le véritable au-dessus de tout. Accepte-moi mon garçon, c'est toi là comme ça, tu vas bien suivre le coup de toi. Deux choses. La définition qu'on a donnée du pasteur et de l'évangéliste est faux. D'accord? Voilà. Parce que ce sont les dons hommes. Il n'y a pas d'évangéliste d'une église. Il n'y a pas de pasteur d'une église. Il n'y a pas de docteur d'une église. Il n'y a pas d'apôtre d'une église. Il n'y a pas de prophète d'une église. Il n'y a pas ça dans la Bible. Il n'y a pas ça dans la Bible, mes frères. La Bible peut dire par exemple que j'ai planté. Quand il est parti, qui est venu arroser? C'était l'église de Paul. C'était pour Apollos. C'était pour Pierre. Enfin, il y a un problème au milieu chrétien. Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il veut travailler avec vous. Parce que je vous avais dit ça ici une fois, je le redis maintenant. Pour que quand le Saint-Esprit va commencer à se manifester au travers de vous, que vous n'avez pas l'orgueil d'aller faire comme ce qu'ils ont fait. Sinon, vous allez chuter. La chute que les gens auront maintenant sera plus terrible que ce que les anciens en ont eu. Parce que l'éclairage doit venir. Ok. Observez. Quelqu'un a un don spirituel, par exemple, de guérison. Écoutez très bien pourquoi vous ne ratez pas cela. Ce frère-ci, par exemple, c'est pas toi, d'accord? Il prend un exemple, c'est moi pour qu'on puisse saisir. Ou bien je ne prends pas. Comment tu me regardes comme ça? Ce frère-ci, par exemple, Dieu lui communique une de ses grâces qui est la grâce pour guérir les gens. C'est-à-dire qu'il se rend compte que lorsqu'il met la main aux malades, les malades sont guéris. Ce que les gens ont fait maintenant, c'est que quelqu'un va dire ministère de guérison. Il construit un lieu où tous vos problèmes de délivrance, de guérison, venez de 12h à 7h. Il s'assoit là-bas. Il dit qu'il est quoi? Il dit qu'il est pasteur, il a le don de guérison. C'est un mal terrible que je ne sais pas comment on va expliquer pour que les gens puissent saisir que c'est mauvais. Alors, quand les gens sont malades, on vient chez lui comme si c'était à la clinique. Donc les gens viennent chez lui, Dieu ne l'envoie pas chez les gens. Ce n'est pas Dieu qui l'envoie chez les gens. C'est lui qui a fait sa publicité pour que quand les gens voient, ils sont malades, ils viennent comme exactement comme vous voyez à la clinique. J'espère que vous saisissez. Vous saisissez vraiment. Alors donc, voici dans l'erreur. On a confondu le ministère. Écoutez très bien ceci. On a confondu le ministère avec une profession. Quand vous voyez, on dit ministère de délivrance et de guérison. Tu viens là-bas. Quand vous vous asseyez, vous regardez la plaque, vous regardez quoi? Qu'est-ce que vous disiez? Ministère de délivrance et de... Donc c'est ici que se trouve la guérison. Oh, cette guérison se trouve plutôt dans un être humain. Pas dans un lieu. Et dans cet être humain, Dieu a mis cela pour qu'il soit à l'intérieur du corps. Pour que si une soeur a besoin de la guérison, Dieu communique cette guérison. C'est telle enseigne que si nous sommes ici, si un frère a le don de prophétie, un autre a le don de miracles, des produits, différents prodiges, écoutez très bien ce que je vous dis. Le frère qui a le don de prophétie ne va pas sortir, aller construire un endroit pour dire que mon message, c'est le message de prophétie. Dieu met ça dans l'église. C'est. Alors si c'est fini, j'enseigne, il m'assoit. Quelqu'un a besoin de guérison. Un frère qui a le don de guérison, prie pour ces gens, les gens guéris. C'est ça le ministère. Donc le ministère, c'est le service que chacun rend dans le corps. Le ministère, c'est le service que chacun rend dans le corps. Je suis en train de faire mon service maintenant. C'est pas que mon ministère, c'est ici. Voici, je suis en train de rendre ministère. Partout où je n'ai pas pour prêcher, mon ministère, c'est de faire mon service. Je sais à quoi j'ai été appelé à faire. Donc je ne veux pas que pas écrit quelque part que si vous voulez qu'on vous fasse quelque chose, venez ici. Je ne sais pas si vous voyez le mal. Ministère de délivrance, nuit de prière, venez traverser. Vous traversez, vous n'arrivez jamais. Donc c'est ça, je veux que, éviter ce mal-ci. Faites attention que le Saint-Esprit ne vous communique pas ses grâces. Vous allez ouvrir un endroit pour vous-même. Vous devez rester dans le corps. De temps en que si vous quittez vos voyages, vous allez à l'homme, vous partagez les frères, et si quelqu'un a besoin de votre grâce là-bas, vous laissez que le Saint-Esprit vous utilise. Point final. N'allez jamais ouvrir votre endroit, vous dites désormais, je vous mets d'abord j'ai mon don de guérison. Faites attention. Faites attention, ne sortez pas du corps, restez dans le corps et que le corps en profite. Si Dieu vous envoie à l'homme, utilisez ce même don là pour le corps de Christ qui l'extension de ses membres qui se trouvent là-bas. D'accord? Ne commencez pas à dire maintenant que ici à l'homme, je crois qu'il faut faire comme le quartier général, c'est à Douala. Il faut qu'on construise notre antenne maintenant là-bas. Le quartier général, c'est à Douala. Quand vous faites là-bas, vous installez un de vos petits là-bas. bonne relation parce que vous allez suivre les offrandes. Et quand tu touches les offrandes, il faut donner 30% au quartier général. Comme ça, après vous allez à Bafoussam ouvrir encore un autre. Quand vous touchez là-bas, vous envoyez, vous voyez, on envoie les fonds à Bafoussam, des sacrifices de Bafoussam pour venir au quartier général. Il n'y a pas ça dans la Bible. D'accord, frère? Donc, les dons que Dieu donne à chaque être humain, c'est pourquoi nous participons les uns les autres. Et imaginez que s'il y a un ministère où les gens n'aimeraient même pas avoir ce ministère d'enseignement. Donc, imaginons qu'on met la place ici, que sous le ministère de la vraie parole de Dieu, personne ne passerait pas ici. Pas vrai? C'est un ministère de la vraie parole de Dieu. Mais tant que tu dis miracle, guérison, quelqu'un dit que même si c'est chez Satan, Dieu va comprendre. Pas vrai? On part là-bas, puis on demande pardon. Or, et l'enseignant doit être au milieu. Et le prophète doit être au milieu. Remarquez dans votre acte chapitre 11, on dit qu'ils étaient assis là-bas, l'un d'eux se leva. Il était au milieu. Des prophètes descendit de la Judée, descendit. L'un d'eux, nommé Agabé, se leva au milieu de l'assemblée. Il dit par l'esprit qu'il y aura une famine. Pas vrai? Il s'est tenu là-bas. Il n'est pas allé ouvrir Agabus, il n'est pas allé ouvrir son propre ministère, que le ministère Agabus maintenant est prophétisé. Bonne prophétie par rapport aux familles. Il n'a pas dit ça. Il était au milieu. Quand le Saint-Esprit a besoin de lui, il se tourne. Observez bien. L'apôtre Paul se tient là. Agabus se tient ici. Quand quelqu'un finit son ministère, là, Agabus se lève, il va vers l'apôtre Paul. Il prend sa ceinture, il attache ses pieds, il dit ainsi par l'esprit. L'homme à qui cette ceinture s'est appris. C'est au milieu de l'assemblée, frère. L'homme à qui ça appartient cette ceinture s'y sera lié et amené à Jérusalem. Et on va l'entraîner chez les païens. Pas vrai? C'est au milieu de l'assemblée. Il a rendu son ministère. Il a fini son service. Il est prophète. Il a fait ce qu'il avait à faire. Il s'est assis. Là, pour pouvoir comprendre. Les autres ministères de pleurs ont commencé. Que ne va pas à Jérusalem, Paul ne va pas. Qu'est-ce que vous faites là? C'est au milieu de l'assemblée. Apôtre Paul n'a pas créé son église parce qu'il est apôtre. Agabus n'a pas créé sa part. Paul n'a pas créé sa part. Regardez, ils se réunissent chaque fois. Voilà l'unité de la foi. C'est n'est-ce pas? Donc, c'était pour répondre à la question. Je répondais à la question, il répondait aux d'autres questions non posées. J'ai même posé, même vraiment, ils me répondent. D'accord, mes frères? Donc, faites attention que Dieu ne vous donne pas quelque chose. Vous dites que mon ministère, c'est ceci. Dieu m'a. Écoutez, vous allez voir ces jeunes personnes. Écoutez bien le langage ici. Dieu m'a dit, promis que j'aurai un grand ministère. Que j'aurai un grand. Satan l'a infesté. C'est Satan. C'est Satan là qui Dieu m'a promis un grand ministère. Grand ministère, quand vous entendez, quand la personne qui nous a raconté que Dieu m'a promis un grand ministère, dans son esprit, c'est que je veux construire un grand lieu où les gens vont venir plusieurs. C'est ça le grand ministère dont tu parles, pas vrai frère? C'est-à-dire que il y avait un soeur qui était venu vers moi, il dit que Dieu m'a montré, j'ai vu comment beaucoup de personnes venaient ici, il les regarde comme ça. Qui a vu comment beaucoup de personnes? Qui veut beaucoup de personnes? Quand vous êtes là, vous faites seulement que la salle chauffe pour rien. Et vous nous chauffez la tête, pas vrai? Donc, on peut nous casser ici, on construit davantage. J'ai vu plus de 4000 personnes. 4000 personnes, pour faire quoi? Il faut qu'on les disperse, pas vrai, frère? Oh. Donc, on croit peut-être que. Ah, quelqu'un se lève. Ah, j'ai cru, frère, Dieu va te diffuser. Il me diffuse dans les puits. C'est sera grand. Le ministère sera grand. Quel ministère? Il sera un grand ministère. Vous allez augmenter l'amplification de l'enseignement. Parce que dans la tête, c'est que le ministère, c'est que c'est le lieu. On construit un endroit. Donc, faire attention. Vous ne verrez, vous verrez aucune de ces choses là-bas. Il dit que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministre. C'est ce que la Bible dit. Vous dites, frère, ministère de délivrance. Vous sortez d'où avec ce style-là dans la Bible? Ça sort du ministère de délivrance. C'est quoi la délivrance? Il ne connaît pas lui-même ce qu'on appelle délivrance. Il croit que délivrance, ça veut dire que sort de ce corps. Alors, vous pensez, on a inventé des choses pour se faire sortir. On met le sel. Comment on va mettre le sel dans ta bouche, tu ne vas pas cracher? Comment tu vas boire l'huile, ça ne va pas te purger? Comment tu vas boire ça ne va pas te purger? Et la Bible déclare dans ses Colossiens, chapitre 1, là, que rendez grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il dit qu'il nous a délivrés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. D'accord, frère? Donc, faites attention. Donc, le rôle d'un évangéliste, ce n'est pas d'aller dehors prêcher. Dieu n'a pas demandé aux évangélistes d'aller prêcher. Il ne lui a pas demandé ça. Il n'a jamais demandé ça. À Pierre, il a dit dans ses Jean, chapitre 21, il a dit que Père, Pierre, m'aimes-tu? Il a dit quoi? Oui, Seigneur, je t'aime. Il dit quoi? Donc, Pierre est un pasteur alors, dans ce cas. Puisque on dit que le pasteur doit rester sur place, perdre les brebis. Mais Pierre part partout. C'est pas curieux, pas vrai? Cette pièce, ça présente dans 1 Pierre, chapitre 5, comme étant moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ. Pas vrai? Je souhaite passer du temps à vous expliquer ces choses, pourquoi on ne fasse pas les mêmes erreurs que les autres ont fait. Mais souvenez-vous, si quelqu'un fait l'erreur, il va sortir. L'erreur n'est pas tolérée ici. Ça ne sera jamais toléré. Parce que c'est l'œuvre de la perfection, de l'achèvement du corps qui en est arrivé. D'accord? Donc, si quelqu'un a les grands yeux pour pouvoir ouvrir les grandes dimensions, vous avez la soif d'avoir les membres, c'est pas ici. On a la soif d'avoir de plus qualité. D'accord, mes frères, ça c'est bon. Donc si quelqu'un te dit un jour que les apôtres ont cessé, les prophètes ont cessé, tu lui dis qu'il y a quoi? Si il s'est passé, forcément c'est passé. Parce que pour que ça passe, il faut que tout soit parvenu. Donc que Dieu vous bénisse. Autre question? Oui. Oui, frère, je me comprends quelque chose. Dans 1 Roi chapitre 13, Jéroboam conçut un hôtel pour irriter les ténèbres. Et les ténèbres envoyaient un jeune prophète pour déclarer des paroles. Mais ce que je ne comprends pas, c'est comment c'est possible qu'un vieux prophète puisse nous tromper, parce que les ténèbres avaient dit de ne rien manger d'abord. Et un vieux prophète, il vient nous tromper. Je pose une question. Laissons le temps, le temps est passé. Hein? Dis-moi concrètement maintenant, comment un être humain normal qui lit sa Bible, un pasteur peut passer avec sa veste, lui porte le sang, il est derrière, il dit qu'il est pasteur assistant. Comment? Explique-moi. Jusqu'à d'autres sont les gardes, ils sont dans l'église comme ça. Quoi, en fait, un être humain normal qui lit la Bible, il dit un être humain normal ferait de telles choses. Explique-moi pourquoi il le font. Il est content de prendre la Bible du pasteur. Quand le pasteur a celui qui part déposer maintenant sur sa chaise, le pasteur s'assoit et croise les pieds. Il, lui aussi, il a sa propre Bible. Qu'est-ce qui lui arrive, frère? Les esprits n'ont pas changé. Les époques ont changé, les esprits n'ont pas changé. Le même esprit qui était sur le vôtre pour faire les jeunes, ça se trouve aujourd'hui. D'accord? C'est pour cela donc qu'il faut faire attention à ne pas être faire l'erreur de ces jeunes prophètes-là, d'aller vers les anciens qui ont commis le faux pour aller les demander de l'enseignement. C'est ce qui va vous tromper. C'est n'est-ce pas? Beaucoup de gens ont l'appel du Seigneur. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, non, vous avez, le sentiment va tuer les gens. Non, c'est le pasteur qui m'a amené en Christ. Ce n'est qu'un instrument. Dieu pouvait utiliser une brochure qui est tombée pour t'amener en Christ. Tu devais aller chaque fois lever le papier que je fais quoi. Supposons que vous avez ramassé une brochure quelque part et ça vous a conduit à Christ de la bonne façon. Si vous avez le brochure chaque fois, vous avez votre brochure, c'est le pain spirituel. C'est terrible. Alors quand vous allez des choses comme ça là, confiez-vous tout simplement au Seigneur. Les jeunes ont la révélation de la malédiction de la parole à ce moment. C'est qu'est-ce qu'ils font? Beaucoup font l'erreur. Ils rentrent dans le pasteur. Ils m'avaient renseigné au pasteur. Le pasteur, là, il ne sait même pas qu'il est dans l'apostasie. Tu vas arrêter. Le vieux prophète était dans ce lieu, non? Pourquoi Dieu ne l'a pas utilisé pour aller dire à Jéroboam? Il ne va pas dire à un prophète qu'il n'avait pas. Parce que celui-là était dans la compromission sans en rendre compte. La preuve, il voit qu'il mentait. De temps en temps, il a des réflexes de ainsi par l'Éternel. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Il a les réflexes. Parce que si tu es dans le faux, le verset de lui, il finit pas dans ta tête. Il dit bien, un pasteur peut coucher avec une femme de tout, mais pendant qu'il est en train de coucher, il est en train. Il vous le dit. Il finit là-bas. Il dit, Dieu attend. Si je commande, Dieu attend. Il finit. Donc ça ne finit pas dans la tête. Je vous ai toujours dit que, regardez, si vous voyez les gens qui taillent les fleurs, là, observez, quand on taille les fleurs, ça tombe là, c'est vert. 5 minutes, c'est vert. 1 heure, c'est vert. Ça va pas. Il faut que le temps passe. Après, tu vas voir la fleur qui était là, qui disait Amen. Amen baisse. Après un temps, oh, c'est fini, c'est sec. C'est comme ça. Donc, quand on est comme ça, le reste des sèves, là, les réflexes, là, donnent le Amen. D'accord? Donc, il ne faut pas qu'on fasse l'erreur de retourner vers le vieux. Avancer seulement. Jésus a dit qu'on ne coupe pas la Bible sur le vieux ici. Vous comprenez ce que c'est, n'est-ce pas? Donc, si quelqu'un saisit, saisit. Autre question? Oui, madame. Je voulais savoir pourquoi les mauvais esprits ont accès à Dieu. Un roi 22. Quand Dieu avait décidé de faire mourir Akab. Et Zacharie 3. Ainsi que Job. Comment est-ce que le Dieu aimait mauvais esprit d'avoir ça? Ça, je ne comprends pas. Vous avez compris la question du frère là? Vous avez compris sa question? Je pense que la question faut pour que les gens puissent saisir. Je dis, je veux savoir comment est-ce que les mauvais esprits ont accès à Dieu pour remplir cette mission sur les chrétiens. J'ai un roi béni. Lorsque Dieu avait décidé de faire mourir Akab, Michel seul avait prophétisé une bonne prophétie et les 450 autres avaient été remplis de l'esprit de mensonge. Je veux savoir, dans Zacharie 3, quand le sacrificateur Josué est devant l'arche de Dieu, Satan est servi. Je veux savoir comment est-ce que les mauvais esprits ont accès à Dieu pour remplir cette mission sur les chrétiens. Bonne question. Donc là, si vous lisez effectivement dans 1 Roi chapitre 22, l'histoire de Josaphat et d'Akab, la Bible dit que quand Akab, quand. S'il y a trop de bruit par là-bas, la Bible dit que quand le prophète Michée est venu au milieu des pasteurs là, qui étaient réunis là, il dit, j'ai vu la main du Seigneur se réunir, et l'Éternel s'étenant, les anges s'étenant à sa droite et à gauche, Il a dit qui ira pour nous pousser Dieu à Cap fin qui monde. Vous voyez là, n'est-ce pas? C'est dans 1 Roi chapitre 22. Donc le frère lui pose la question parce que dans cet événement, Michel dit clairement que l'un disait d'une façon, l'autre disait d'une autre, et puis subitement, un esprit impur est sorti. Il a dit que moi, j'irai se dire. Le gars a étonné toute l'assemblée parce que toute l'attention est tombée que sur lui. Même Dieu lui-même a Wanda Smith sur lui. Dieu a dit que comment tu vas faire? Il dit, tu comprends comment il fait? Je vais le mentir comme ça, il va confirmer. C'est d'abord tout lui faire. Dieu a dit, sors, va et fais ainsi. Après, Michel lui a dit que c'est cet esprit-là qui est dans la bouche du prophète. Quand il a dit ça, un prophète s'est dit, quoi? Quand il recevait mon ancien, tu étais là. Là, bam! Que tu me dises vraiment si l'ancien, c'est ce qu'il a donné. Oh frère, cet homme prophétisé par un esprit. Mais le problème, c'est qu'il ne savait pas que c'était un esprit démoniaque. Cet aspect-là, je vais enseigner ça ici pour que vous discerniez, pour que vous utilisez le discernement. D'accord? Mais prenons seulement la question du frère. La question maintenant, c'est comment un mauvais esprit a-t-il accès à Dieu pour aller au ciel? Maintenant, il me rectifier la chose maintenant. Ils avaient accès, maintenant ils n'ont plus. Quand Christ est mort, ça s'est terminé. Hébreu. Ouvrez la Bible dans l'autre Bible dans Hébreu. Vous y êtes. Chapitre 9 de Hébreu. Premier chapitre 9. Donc, regardez. Je n'ai pas le temps de lire Hébreu. Je vais seulement lire cela pour vous montrer quelque chose. Je vais lire rapidement, d'accord? Ok, regardez. Verset 23. Je lis au chapitre 9 de Hébreu, verset 23. La Bible déclare. Ok. Prenons à partir du verset 19. Hein, regardez. J'espère que vous avez votre Bible devant vous. Il peut lire maintenant. Hébreu chapitre 9, je vais lire à partir du verset 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Verset 21. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Écoutez très bien maintenant. Écoutez verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par les sacrifices plus excellents que ceux-là. Amen. Pourquoi les cieux devaient être purifiés? Donc la Bible nous dit clairement ici que Dieu a dû, Jésus-Christ, après sa mort, a dû aller dans le ciel pour mettre son sang pour purifier le ciel. C'est ce que la Bible dit là, frère. Pourquoi a-t-il purifié le ciel? On dit, lesquels célèbrent un culte qui est image des choses célestes? Donc, ce que Moïse faisait sur la terre, c'est parce que ce style de culte, c'est ça qui se passe en haut. D'accord, les images, parce qu'on lui avait dit que faites d'après le modèle que tu as vu en haut, la présentation qui t'avait été montrée. On dit donc que maintenant, Christ, lui, non seulement il a purifié, lisez du coup chapitre 10. On dit qu'il a inauguré une voie nouvelle au travers de la voie de sa chair, d'accord. Alors maintenant, Christ non seulement a purifié ceux qui sont sanctifiés, comme 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 11 le dit, mais vous avez été lavé, mais vous êtes justifié, mais vous avez été purifié, vous êtes d'abord fornicateur, et ainsi de suite, d'accord. On dit non seulement il a fait ça, il a purifié aussi le ciel. Je ne sais pas si vous lisez la Bible, vous vous arrêtez souvent. Alors, il est allé dans le ciel pour purifier le ciel à cause de ses incursions des esprits impurs. À cause de ses incursions des esprits impurs, parce que le ciel a été souillé. D'accord, frère? Alors, donc, depuis donc là, ils n'ont plus accès de cette façon-là, comme dans l'Ancien Testament. Ils n'ont plus accès. D'accord? Ils n'ont plus accès. Maintenant, ils peuvent défendre. Quel que soit ce qu'ils vont faire maintenant, à partir du ciel, c'est la région où Satan occupe jusqu'en bas, ils vont faire tout seulement d'après la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Colossiens chapitre 2 qu'il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a dépouillées. Ça règle le problème. Si vous comprenez, dans le chapitre 2 de Colossiens verset 10, la Bible dit que Christ est le chef de toute autorité et de toute domination. On a tout pleinement en lui. Donc maintenant, il a tout pouvoir dans les cieux et sur la terre totalement. Donc, quel que soit ce que Satan va faire, c'est souvent sa volonté. Il n'a pas besoin de discuter avec lui, d'accord? Comme dans ce livre de Job, de quoi tu parles là. Il n'y a plus ça. C'est terminé. Il a été jugé. Le prince de ce monde-ci est jugé. Donc, il n'a plus de demande à faire à Dieu. il va seulement utiliser ses derniers soubresauts maintenant pour faire des incursions dans le camp des saints. Mais il n'a plus cette autorité. D'accord, mon cher frère. D'accord. Autre question. Oui, frère. Oui. Dans Amos au chapitre 7. Oui. Amos dit qu'il n'est pas prophète. Oui. Ni fils de prophète. Oui. Il a un berger et il cultive les sycomores. Oui. Dans Luc 19, Zachée est monté sur un sycomore. Ah, ouais. La relation, qu'est-ce que ça représente un sycomore? Bonne question. Va étudier. C'est bon, ça montre que quelque chose, il y a une lumière qui va s'allumer dans ton esprit. Ça montre qu'il y a une lumière qui va s'allumer dans ton esprit, d'accord? Continue sur ce que Dieu te montre, c'est pourquoi il a l'air d'attirer. Autre question? Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Amen. Adorons les rois, amen. Adorons les rois, amen. Adorons les rois, amen. Amen. Sous la terre, et sans.